Isanganiro. Jean Bosco, Douimane. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres de cette édition, la grande édition de cette mi-journée du 30 mars 2018. Alors que le syndicat des enseignants de l'Université du Burundi s'était indigné de la diminution des filières autorisées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation à ouvrir le cycle de master, contrairement à ce qu'avait décidé la Commission nationale pour l'enseignement supérieur, le recteur de cette université fait remarquer que cet organe n'a qu'un statut consultatif. Vous l'entendrez donner d'autres précisions. Différentes autorités burundaises sont contre la construction des maisons dans la plaine de Limbo, estimant que cette partie devrait être réservée aux cultures, raison pour laquelle le président du Sénat souhaite qu'une politique de protection de cet espace soit mise en place. Et l'arbitre international burundais Jean-Claude Birumusha officiera en qualité d'arbitre assistant les matchs de la phase finale de la Coupe du Monde de football qui se déroule en Russie du 14 juin au 15 juillet. De quoi satisfaire la Fédération de football du Burundi qui encourage ses collègues à le prendre pour exemple pour améliorer leur performance. Voilà pour le sommaire. Ce journal est mis en onde par Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. La Commission nationale de l'enseignement supérieur est considérée comme un organe consultatif du ministre, selon le recteur de l'Université du Burundi, réagissant sur l'ouverture de 5 programmes de master uniquement, tel que précisé dans l'ordonnance sortie par le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, alors que la Commission nationale pour l'enseignement supérieur en avait homologué 20. Dr Gaspard Banyangimbona déclare que d'autres verront le jour en fonction des moyens financiers. Suivez Dr Gaspard Banyangimbona au micro d'Alain Désiré Boukayenet. Dans cette nouvelle dynamique, on avait développé 22 offres de formation, y compris des offres de formation qui étaient restructurées. Donc ces offres de formation qui existaient déjà, mais qui étaient restructurées pour respecter les principes du nouveau système. Et deux ont dû s'arrêter en cours de processus. Et on est parti avec une vingtaine que l'on a fait valider au conseil d'administration comme l'exige la loi et on les a transmis au niveau du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour une demande d'autorisation d'ouverture. Et donc voilà, nous on a transmis ces offres-là comme je disais et donc il y a une ordonnance d'ouverture qui est sortie pour quelques offres. D'entre ceux-là, c'est progressif parce qu'on est en pleine réforme. Ce n'est pas vraiment une histoire de dire que l'on veut tout et tout de suite. Il faut peut-être y aller très lentement, mais sûrement. Le syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi, SPEIB, parle de 20 masters qui avaient été validés par la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Pourquoi on a en fait validé 5? La Commission nationale de l'enseignement supérieur était un organe technique et consultatif du ministère. Il a certainement rendu rapport et celui qui avait commandité son travail a donc apprécié. La réaction du recteur de l'Université du Burundi intervient après l'avis du président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi qui rappelait que l'ordonnance ministérielle autorisant l'ouverture de 20 masters, comme homologué par la Commission nationale de l'enseignement supérieur, le professeur Siméon Barumwete considérant que les lauréats du baccalauréat n'accèdent pas facilement à l'emploi. Dr Gaspard Banyangimbona sera l'invité de ce journal. Et des conditions doivent être remplies pour bénéficier de la pré-bourse. Le candidat doit avoir terminé l'école secondaire avec une attestation de réussite à l'examen d'État. Et cela est contenu dans une ordonnance conjointe du ministre de l'Éducation et du ministre des Finances. Et cette bourse est remboursable par les étudiants. Le contenu de cette ordonnance ministérielle nous a été lu par Alida Ndaikeza. Voici son compte rendu. Dans cette ordonnance conjointe du 22 mars 2018 du ministère de l'Éducation et le ministère des Finances, il est écrit à l'article 2 que le prêt bourse est une assistance financière accordée sous contrat par le gouvernement sous forme de crédit sans intérêt pour la formation des cadres et qui est remboursable. Le prêt bourse est annuel, renouvelable et est accordé aux lauréats des humanités générales, pédagogiques, techniques et du poste fondamental qui ont réussi l'examen d'État avant cooptation. Cette ordonnance également revient sur les conditions à remplir pour bénéficier de ce prêt bourse. Ainsi, à l'article 4, l'intéressé doit adresser une lettre de demande au ministère de l'Enseignement, mais tout d'abord, il doit être de nationalité burundaise, être porteur d'un certificat ou d'un diplôme exigé par la formation pour laquelle le prébourse est demandé, ne pas bénéficier d'une bourse d'excellence, disposer d'une attestation de réussite de l'examen d'État, être en possession de l'attestation d'inscription pour la formation de deuxième ou troisième cycle et présenter une attestation de non-poursuite judiciaire. De plus, l'intéressé ne doit pas dépasser 35 ans pour postuler au deuxième cycle et 40 ans pour le troisième cycle. À l'article 6 de cette même ordonnance, il est souligné qu'un candidat voulant en prébourse pour le deuxième cycle, il devra d'abord rembourser la totalité du prébourse du premier cycle. Ce prébourse commencera à être donné pour l'année académique 2017-2018. Les étudiants suivant les programmes du soir ne pourront pas bénéficier du prébourse. Entre autres raisons pouvant entraîner le retrait du prébourse, c'est l'exclusion de l'institution d'accueil, abandon ou interruption des études. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons du montant du prêt ainsi que les modalités de son remboursement. Alida Ndayikeza, précisons qu'à l'Université du Burundi, les cours commencent le 9 avril 2018 pour l'année académique 2017-2018, tandis qu'à l'École normale supérieure, les étudiants rejoignent les auditoires le 2 avril 2018. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons maintenant salubrité. Cela fait 5 mois que les déchets solides ne sont pas enlevés dans le quartier Gihosha-Gikung rural. Jean-Pierre Kaboura, chef de ce quartier, l'a déclaré ce jeudi dans un atelier de renforcement des capacités des administratifs et des associations locales de la commune Nahangwa sur la prévention des catastrophes et l'adaptation au changement climatique. Sabimana Salvatore, chef du service changement climatique au ministère de l'Environnement, suggère que ce cas soit rapporté au niveau de la mairie de Bujumbura pour demander des éclaircissements à l'association qui a gagné le marché d'enlever les immondices dans ce quartier. C'est un reportage de Gertrude Mawenay. Tumaze igihe tubona ingene muri iki gisagara cha Bujumbura imicafu y'ubwoko butandukanye itemba mu nzuzi cha mu makoma. C'est le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Dr Samuel Ndayiragije, lors de l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des administratifs et des responsables des associations locales de la commune Nahangwa sur la prévention des catastrophes et l'adaptation au changement climatique, atelier qui a eu lieu ce jeudi. Samuel Ndayiragije précise qu'il se remarque des immondices qui sont jetés dans les rivières et caniveaux de la mairie de Bujumbura, ce qui a comme conséquence la pollution du lac et la faune qui en souffre. Le chef de quartier Gihosha-Gikung rural, Jean-Pierre Kaboura, fait savoir que la population préfère jeter les déchets solides dans les marins et rivières parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Ça fait 5 mois sans que personne ne vienne collecter les déchets solides dans mon quartier. Nous disons toujours, est-ce qu'au niveau de votre ministère, vous demandez vos partenaires leur rôle pour aider afin que les gens viennent enlever les déchets solides? Les sociétés qui le faisaient avant ont été suspendues. D'autres qui ont été mises en place sont incapables de le faire. Toutes ces conséquences, c'est parce que la population est obligée de jeter les déchets solides dans les marais. Et une fois arrêtés, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Selon le chef du service en charge du changement climatique au niveau du ministère de l'Environnement, Salvatore Sabimana, ce cas devrait être rapporté au niveau de la mairie de Bujumbura pour demander des éclaircissements au sein de l'association qui est chargée de l'enlèvement des immondices dans ce quartier. Là, l'administrateur a plein pouvoir de demander à l'association pourquoi les déchets solides ne sont pas collectés. Comme l'association est agréée par la mairie de Bujumbura, il faut que le chef du quartier donne le rapport pour demander pourquoi. Ce n'est pas compréhensible qu'une association continue de collecter l'argent alors qu'elle ne fait pas son travail. Je vous conseille donc de vous adresser auprès de l'administrateur et du maire de la ville pour vous donner des éclaircissements si l'association est capable ou non de collecter les déchets solides. C'est au moment où la mairie de Bujumbura a récemment donné l'autorisation à pas mal d'associations d'enlever les immondices dans les ménages, et cela dans le but du projet Bujumbura Ville Propre. Merci Gertrude. Je vous en avais parlé. La Fédération de football du Burundi, FFB, félicite l'arbitre burundais Jean-Claude Birumusha d'avoir été choisi par la FIFA parmi les 99 arbitres qui vont officier les matchs de la phase finale de la Coupe du Monde au football qui se déroulera en Russie dès le début du mois de juin de l'année en cours. Le secrétaire général de la FFB, Jérémy Manirakiza, demande aux autres arbitres burundais de fournir des efforts et de se servir de Birumusha comme un exemple afin d'améliorer leur performance. Suivez plutôt Jérémy Manirakiza, c'est le secrétaire général de la FFB. Pas plus tard qu'hier, la FIFA nous a informé que l'arbitre assistant burundais Birumusha Jean-Claude est sélectionné parmi les arbitres qui vont officier à la Coupe du Monde de la FIFA qui va débuter au mois de juin 2018. Donc c'est une fierté, c'est une occasion pour la Fédération de football du Burundi de présenter ses félicitations à l'arbitre concerné, et aussi c'est un honneur aussi pour le pays, parce que c'est pas beaucoup de pays africains qui ont eu ce privilège d'avoir un arbitre désigné pour aller officier à la Coupe du Monde de la FIFA. C'est aussi, je dirais, un clin d'œil aux autres arbitres burundais qui officient les matchs, que ce soit les matchs du championnat national, que ce soit les arbitres internationaux qui vont officier lors des compétitions internationales, qui prennent Birumusha ou Jean-Claude comme un exemple. Et s'ils suivent ces traces, c'est sûr que dans les années à venir, le Burundi pourra avoir d'autres arbitres qui officient les grands rendez-vous sportifs, en l'occurrence les Coupes du Monde. Jérémy Manirakiza, c'est le secrétaire général de la Fédération de football du Burundi. Sachez pour être complet que cette compétition mondiale de football sera officiée par 36 arbitres centraux et 63 assistants. Et pour la première fois depuis l'édition de 1938, il n'y a pas d'arbitre anglais. L'Afrique est représentée par 6 arbitres centraux, l'Algérien Mehdi Abid Sheraf, le Sénégalais Malang Diédiou, le Gambien Bakary Papagasama, l'Égyptien Ged Grisha, le Zambien Janis Ikazwe et l'Éthiopien Bamlak Tessema Weyeso. Différentes autorités sont contre la construction des maisons dans la plaine de Limbo pour être une terre exclusivement cultivable. Le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Samuel Ndayiragije, regrette que des terres cultivables soient en train d'être distribuées pour les constructions. Lors des questions orales au Sénat ce mardi, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a exprimé sa crainte que la zone urbaine risque de s'étendre jusqu'en province Bubanza. À ce sujet, le président du Sénat, Révérien Dikourio, a plaidé pour une politique de protection de la plaine de Limbo. Reportage, Elini Bell, Nibigira. Ces hauts cadres qui soutiennent que les terres cultivables de la plaine de Limbo soient protégées, s'opposant à leur viabilisation, alors que ces terres sont fertiles, sont entre autres le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Samuel Ndayiragije, lors d'une réunion avec les autorités administratives de la commune Nahangwa sur la préservation de l'environnement, dénonce l'octroi des parcelles dans la plaine de Limbo au vu et au su de tout le monde. Il y a des erreurs qui se produisent au vu de nous tous, en applaudissant. Prenons ici l'exemple de Kiangi en zone d'Obutelele. Là, c'est un endroit très fertile toute l'année. C'est une terre très fertile toute l'année où poussent le riz, les aubergines, les maïs, tout ce que vous voulez, les tomates. Maintenant, il y a quoi? Rien que des maisons vraiment, et cela vraiment au vu de tout le monde. À côté de son directeur général, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogi Derurema, lors des questions orales à la Chambre haute du Parlement en plénière de ce mardi, trouve que si rien n'y fait, l'extension de la zone urbaine risque d'atteindre la province Bubanza. Le ministre Derurema demande que cette question soit prise au sérieux. Jusqu'en 2050, les études montrent que la ville de Bujumbura s'étendra jusqu'à Bubanza. Tout cet espace où nous cultivons le riz est maintenant menacé par la disparition au moment où nous fournissions des efforts exceptionnels pour augmenter la production. Vous le savez bien, nous construisons des maisons, mais sur cette question, je préfère qu'on y revienne ultérieurement. Quant au président du Sénat, Révérien Dikourio, il considère pertinente la question relative aux terres cultivables qui sont viabilisées avant de demander la tenue d'une retraite pour l'analyser. Le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement insiste également que cette question soit traitée soigneusement. La plaine de Limbo, si tu te rends à Kabezi, où était cultivé autrefois du coton, on y est en train d'y construire de très belles villas. On doit protéger cette plaine sans peur de celui-ci ou celui-là qui possède une parcelle. On dirait que nous sommes journaliers sans nous soucier de domaine. La viabilisation des rives de la Roussizi, ces maisons seront emportées. Cette plaine d'Olimbo s'étend de la commune Nyanzaraka en province Makamba du sud du pays jusqu'en commune Lugombo de la province Cibitoke se trouvant à l'ouest du Burundi. Merci Nibel. Un hippopotame qui vient de passer un peu plus de 3 mois dans les bassins des eaux usées de Buterere en mairie de Bujumbura menace les alevins de l'entreprise Samakitamu où on pratique l'élevage des poissons près de la route menant vers l'aéroport de Bujumbura. L'information a été donnée par Alain Murekambanze. Il est chargé de la production des alevins au sein de cette entreprise. L'animal a causé plusieurs dégâts depuis fin 2017, dit-il. Il propose que les services habilités fassent tout pour trouver une solution à cette situation. Suivez-le. Il renverse les appâts d'élevage où on met les alevins. Il a déjà renversé des alevins qui sont autour de 200 000 alevins qui ont une valeur d'environ 20 millions de frambous. Et il a aussi déchiré ce matériel très précieux qu'on appelle appât qui est importé de Thaïlande. Si on estime les appâts qu'il a déjà détruits, il peut s'avérer entre 500 000 peut-être jusqu'à 2 millions de frambous. Vous êtes en contact avec les services de l'urbanisme, les services de la police nationale. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont tous fait des descentes sur terrain. Le directeur général de l'environnement a été ici. Plusieurs autres autorités ont été déjà ici, notamment les autorités de la police. Mais on se rend compte qu'aucune décision jusqu'à présent n'a été prise. Et notre lettre que nous avons écrite il y a environ 2 mois est restée lettre morte. Mais nous sommes pendant la journée, l'animal, on ne le voit pas ici. Il est où? Il fait des navettes en fait entre Buterere, juste à côté, et ici. Donc il vient la nuit, il vient de Buterere, il descend, il vient brouter l'herbe ici. Le matin, il retourne à Buterere. Soit il reste même ici, dans le puits que nous avons juste à côté de la ferme. Donc il a abandonné le lac. Effectivement, il est libre de ses mouvements, il peut à tout moment retourner là-bas, mais il ne veut pas retourner là-bas. Il y a des solutions qui doivent être envisagées. La solution que vous proposez, on la bat ou on l'amène dans les eaux du lac Tanganyika? Effectivement, la meilleure solution ce serait de trouver un moyen de le ramener au lac Tanganyika afin de préserver la nature. Mais franchement parlant, si on regarde la durée qui vient de passer au sein de la population, il a déjà beaucoup consommé les herbes qui sont tout autour des fermes, des maisons. Il se plaît dans l'environnement des gens. Je conçois très mal comment il va retourner à son gré dans le lac Tanganyika. Et donc, moi, je proposerai une solution radicale, c'est de l'abattre. Je crois que c'est la meilleure solution pour le moment, vu qu'à tout moment, il pourra faire des dégâts plus graves, notamment en tuant des gens. Alain Murekambanze, il est chargé de la production des alevins au sein de l'entreprise Samakitamu qui pratique l'élevage des poissons près de la route menant vers l'aéroport international de Bujumbura. Il est 13h12 à Bujumbura. Vous êtes branché sur Isanganiro. Place maintenant à notre invité. À la source, interview. Je l'avais annoncé dans ce journal, le recteur de l'Université du Burundi, c'est notre invité. Il s'exprime sur la nouvelle ordonnance ministérielle portant ouverture de 5 programmes de master au lieu de 20, comme l'avait autorisé la Commission nationale pour l'enseignement supérieur. Docteur Gaspard Banyangimbona est au micro d'Alain Désiré Ukayeneza. Docteur Gaspard Banyangimbona, vous êtes recteur de l'Université du Burundi. Bonjour. Bonjour. L'Université du Burundi a déjà commencé un nouveau système BMD. Dernièrement, il y a une ordonnance ministérielle qui est sortie portant ouverture de 5 masters. Combien de masters auparavant avez-vous commandé? Dans cette nouvelle dynamique, on avait développé 22 offres de formation, y compris des offres de formation qui étaient restructurées. Donc ces offres de formation qui existaient déjà mais qui étaient restructurées pour respecter les principes du nouveau système. Et deux ont dit s'arrêter en cours de processus et on est parti avec une vingtaine que l'on a fait valider au conseil d'administration comme l'exigeait la loi et on les a transmis au niveau du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour une demande d'autorisation d'ouverture. Et donc voilà, nous on a transmis ces offres-là comme je disais et donc il y a une ordonnance d'ouverture qui est sortie pour quelques offres. D'entre ceux-là, c'est progressif parce qu'on est en pleine réforme. Ce n'est pas vraiment une histoire de dire que l'on veut tout et tout de suite. Il faut peut-être y aller très lentement, mais sûrement. Le syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi, SPEIB, parle de 20 masters qui avaient été validés par la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Pourquoi on a en fait validé 5? La Commission nationale de l'enseignement supérieur était un organe technique consultatif du ministère. Il a certainement rendu rapport. Et celui qui a avait commandité son travail a donc apprécié. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qui a fait quoi dans tout ce processus. C'est on est autorisé à faire quoi aujourd'hui et maintenant. Avant l'avènement de cette ordonnance, vous avez procédé à des épreuves au niveau de l'Université du Burundi. Il y avait plus de 280 étudiants qui devraient commencer dans ces masters. Et quel sera alors le sort de ces étudiants? Vous savez, on a adopté une stratégie d'anticipation juste pour gagner le temps. De toute façon, j'espère qu'ils n'ont pas regretté d'avoir réussi. Ils ont quand même testé leurs connaissances. Sinon, on est conscient que les offres de formation qui ont été développées ne sont pas perdues, qu'aujourd'hui ou demain, ils seront certainement mis en œuvre. Et à ce moment-là, ces étudiants, ils vont se manifester et on va certainement les accueillir. Qu'en est-il pour le programme de master en développement rural qui aurait été commandé par l'Université du Burundi, mais qui finalement, il a été octroyé à l'Université d'Ngozi? Quand une ordonnance ministérielle est là, nous, on est chargé de la mettre en application. Et quand on trouve des entraves dans sa mise en application, il y a des moyens légaux de pouvoir demander un ajustement ou une correction si cela doit arriver à cela. C'est tout un processus. Et à chaque processus, chacun agit à son niveau. Ce qui est important, c'est plutôt d'agir, opérationnaliser ce dont on a l'autorisation d'opérationnaliser, en attendant bien sûr que l'on continue à travailler. Parce que comme je vous l'ai dit, les offres de formation, même maintenant, on est en train de travailler sur des offres de formation que l'on va soumettre sous le même processus. Docteur Gaspard Banyangimbona, vous êtes recteur de l'Université du Burundi. Merci. Merci, docteur Gaspard Banyangimbona. Merci, Alain Désiré Boukeneza. Ainsi se referme ce journal. Il est 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ouimana. Restez branchés sur nos ondes.